Chapitre 9e. Un léger mistral soufflait sur Marseille et sa rade, blêmissant le ciel et creusant l'eau verte des bassins de petites vaguelettes. L'Australian, courrier d'Australie, des Indes et d'Égypte, franchit lentement la passe de la Joliette. Deux puissants remorqueurs le rejoignirent, saisirent les amarres qui leur étaient tendues. Leur mission était d'aider l'énorme paquebot à pivoter sur lui-même dans l'étroit bassin. Sur les multiples ponts du courrier, les passagers se pressaient. La moitié d'entre eux au moins étaient anglais, négociants, planteurs, fonctionnaires. Les bateaux de la ligne d'Australie, en effet, ne touchent guère que des ports britanniques. Sydney, Melbourne, Colombo, Bombay, Aden, Port Saïd. Bien qu'il fût à peine 7 heures du matin, tout ce que le grand bâtiment comptait de passagers était déjà prêt au débarquement, emmitouflés dans leurs manteaux, car le mistral était frais, et ayant à côté d'eux leurs petits bagages à main. Les garçons s'empressaient dans les salons, dans les cabines, aimables comme ils ne l'avaient jamais été. Le moment des pourboires était arrivé. Massés le long des rambardes, de passagers et passagères regardaient se rapprocher le quai. Quelques-uns échangeaient déjà des conversations avec des parents ou amis, impatients, qui se tenaient dans des canots venus à la rencontre du courrier et qui dansaient sur l'eau clapoteuse du bassin. Lentement, l'Australian pivotait sur lui-même. Il eut enfin fait demi-tour, et la poupe tournée vers le quai battit en arrière, cependant que les embarcations allaient accrocher au canon de la rive les deux énormes amarres sur lesquelles le paquebot devait aller. Quelques coups de sifflet stridèrent, des teuils ronflèrent, la sonnerie du télégraphe de la machine tinta. Une douzaine encore de tours d'hélice en avant pour arrêter l'élan du navire, et ce fut fini. Le paquebot s'immobilisa. Le commandant descendit de la passerelle, cependant que par l'échelle de coupé, aussitôt amenée, les hauts fonctionnaires de la compagnie montaient à bord. En quelques instants, le pont fut envahi par les parents et amis des arrivants. Ce fut un tumulte forcené. Les pisteurs des hôtels, les agents des compagnies de transit, les portefaix apparurent de toutes parts, interpellant marins et passagers, ou se frayant brutalement un passage parmi la foule. Quelques personnes seulement, des passagers expérimentés, sachant qu'il ne sert à rien de se hâter, ne participaient pas à l'animation générale. C'est ainsi qu'un couple se tenait immobile à l'arrière du pont promenade et, accoudé à la lisse, regardait paisiblement s'agiter la foule massée sur le pont principal au-dessous de lui. Deux personnes bien disparates. L'homme, un grand gaillard mesurant 1,80 m ou plus et large en proportion, visage tanné, au méplat prononcé, nez en bec d'aigle, lèvres rasées, fortes et sensuelles, yeux bleus d'acier au regard insolent et brutal. La femme, une blonde, toute petite, à la face candide et étonnée, avec un corps maigre et menu. Elle était enveloppée d'une sorte de cache poussière en soie grise, une toque de loutre maintenue par une épingle terminée par une énorme perle la coiffait. Elle tenait le bras de son compagnon comme si elle eût peur de tomber et poussait de temps à autre de petits cris étonnés ou joyeux. L'homme qui la dépassait de la tête ne prêtait aucune attention à elle. Son ample manteau gris déboutonné, flottant au vent, son chapeau de feutre à larges ailes, légèrement rejeté en arrière, il fumait un gros cigare bagué d'or avec la plus parfaite tranquillité, comme s'il se fût trouvé au spectacle. Entre deux bouffées, il tira de sa poche un mince chronomètre de platine et murmura en anglais en se penchant vers la jeune femme. « Je pense qu'il serait temps de s'approcher, petite. »« Yes, my darling, » acquiesça sa compagne. Elle achevait à peine de parler lorsque, d'une échelle voisine, un jeune homme vêtu de l'uniforme de lieutenant de l'armée britannique des Indes, drap kaki, leggings de cuir fauve, turban de drap de même couleur que les vêtements, déboucha. Il marcha droit sur le couple. « Et me voilà, Mr. Teddy, » murmura-t-il en s'arrêtant devant le géant. « Nous avons bien cru ne pas pouvoir venir. Des incidents désagréables. Mais somme toute, cela s'est bien passé. » Mr. Teddy, puisque tel était le nom du gigantesque individu, resta à passe parfaitement impassible. « Bonjour, Piebald, » dit-il. « Je suis poursuivi. Je suis le lieutenant Wilfrid Moresby de l'armée anglo-indienne. » « Enchanté de l'apprendre. »« L'uniforme vous va très bien, » fit Teddy. « Et Otto ?»« Si nous avions un coin pour y causer tranquillement, je vous expliquerais bien des choses, » souffla Piebald. « Je suis venu pour cela, d'ailleurs. » Venez au fumoir, il n'y a personne. Nous y serons comme chez nous, proposa Teddy. Piebald s'inclina. Teddy, sans dire un mot, entraîna sa compagne qui ne demanda rien. Comme il l'avait dit, le fumoir était désert. Une bouteille de champagne des adieux trônait sur une table. Les garçons ne l'avaient même pas enlevée. À quoi bon? Le voyage était fini. De la main, Teddy indiqua un fauteuil à pied bas, depuis ayant soigneusement refermé la porte, il s'assit en face du bandit sur le divan, à côté de sa compagne. « Allez-y, dit-il, et faisons vite. Nous prenons le Calais Méditerranée et nous ne voulons pas le manquer. Alors, Otto, tout s'est bien passé. Je l'ai liquidé. Malheureusement, il s'est douté du coup. Il s'était, je crois, servi lui-même de votre drogue dans le temps. Alors avant de déposer son bilan, il est allé faire des confidences à la police à Paris. Et ainsi, Argoulian et moi avons été sérieusement inquiétés. Vacariades est dedans, et nous avons deux détectives, un Anglais et un Français sur la piste. L'Anglais, c'est un limier de Scotland Yard. Il a suivi la piste d'Otto. Le Français, Jérôme Korff, s'est abouché avec lui. Je ne serais pas étonné de les voir arriver d'ici ici d'un moment à l'autre. Aussi ai-je laissé Argoulian sur le quai avec une 100 chevaux. En cas d'ennui, nous pouvons filer. Je vois cela, fit tranquillement Teddy, et je vous remercie de vous être dérangé, mon cher. Le moment venu, je vous revaudrai cela, quoique vous vous soyez dérangé pour rien. Si je vous ai interrogé, c'est par pure curiosité. Quand on vient de loin, on aime à causer. Et j'en ai même oublié de vous présenter à ma femme. Ma chère Julia, je te présente le lieutenant Wilfrid Moresby de l'armée des Indes, un parfait gentleman. Ma femme, Madame Edward Clams, née Julia Jacobsen. Les yeux de Piebald brillèrent comme des escarboucles. Oh! Ah! S'exclama-t-il, ne trouvant rien d'autre pour exprimer son étonnement, sa déception et sa rage. Ce n'était pas un imbécile que Piebald, loin de là. Instantanément, il avait compris. Argoulian et lui étaient joués. Otto Drôle était mort. Et Edward Clams, ayant épousé Julia Jacobsen, l'unique héritière des merveilleuses perles fines, devenait le légitime propriétaire du lot. C'était très simple. Et rien à dire, rien à faire. Edward Clams, en vérité, était un homme très fort. Il le savait. Aussi dédaigna-t-il d'abuser de son triomphe. « Nous avons fait un mariage d'amour, dit-il négligemment. N'est-ce pas, chère petite chose ?»« Oh yes, my dear, murmura Julia Jacobsen qui enveloppa son mari d'un regard d'adoration. Dommage qu'Otto ne puisse voir cela. Il en aurait été attendri. C'était un homme si sensible, observa Edward Clams. Piebald ne répondit pas. Ses sentiments étaient, si l'on peut dire, en train de se fondre en un seul. Une rage effroyable. Vous nous avez bien joué, murmura-t-il, sans essayer de cacher son dépit. Nous avoir fait tuer Otto et. Du calme, jeune homme, et pas d'histoire, conseilla paternellement Teddy. Ce que vous avez pu faire ne me regarde pas. Je suis charmé de vous avoir vu. Cela me fait vraiment plaisir que vous soyez en bonne santé, et je suis très sensible à l'attention que vous avez eue de venir souhaiter la bienvenue aux deux jeunes mariés que nous sommes, ma femme et moi. Mais le train n'attend pas, et il faut que je m'occupe de mes bagages. Au plaisir de vous revoir, l'ami. Et tout en parlant, Teddy s'était levé. Sa jeune femme l'imita. Piebald se dressa lui aussi, il était blême. Je n'aurais jamais cru, voulut-il dire. Teddy le repoussa doucement mais fermement. Et pas de blague, n'est-ce pas? Lui souffla-t-il au passage, en le fixant d'un regard de plomb. Piebald cloué ne trouva rien à dire. Lorsqu'il se reprit, Teddy et sa femme étaient sortis du fumoir. « Oh, ce n'est pas fini, murmura-t-il grinçant des dents. Il a gagné la première manche, mais j'aurai la belle. » Il se rua hors du fumoir, gagna le pont principal du paquebot, bouscula porteurs et passagers et descendit 4 à 4 l'échelle de coupé. En quelques secondes, il eut traversé la ligne de chalands, vide reliant le paquebot au quai, contourna les hangars et rejoignit une limousine grise qui attendait sur la place de la Joliette. « Je l'ai vu. » gronda-t-il à l'adresse du chauffeur qui n'était autre qu'Argoulian. « Nous sommes refaits sur toute la ligne. Et comment ? Ah, c'est bien joué. Quoi ? Oui, un tour auquel je ne pensais pas. Savez-vous ce qu'a fait Teddy ? Il a épousé Julia Jacobsen et elle a l'air d'être folle de lui. Il faut qu'elle soit bien folle pour l'avoir épousé, lui qui a tué son... Sans doute ne le sait-elle pas. On le lui dira. Et elle ne le croira pas. Et nous n'avons pas le temps de manigancer tout cela. « Il faut agir et tout de suite. Teddy est riche maintenant. Qui sait où il va aller ? Peut-être que nous ne le retrouverons plus si nous le perdons de vue. Et le loup nous échapperait. Maintenant, il part sur le Calais Méditerranée. Il ne s'en est pas caché. Il faut. Piébald s'interrompit. Un groupe de jeunes gens s'était approché de la limousine et l'examinait en échangeant des réflexions sur la puissance de son moteur, sa vitesse probable. Piébald vivement grimpa sur le marchepied. Se penchant de façon à ce que ses lèvres touchassent presque l'oreille d'Argoulian, il lui parla longuement. Le Calais Méditerranée ne part pas avant 1 heure, conclut-il. C'est plus de temps qu'il ne m'en faut, et cela vaut la peine de se hâter. Vous, filez tout de suite et à tout casser. Notre fortune dépend de la rapidité de l'auto, car moi je suis sûr de mon affaire. Et n'oubliez pas, 2 kilomètres après Antres, je vais voir Golias. Il viendra avec moi, nous ne serons pas trop de 3. À bientôt. Oui, fit brièvement Argoulian, qui, ayant lancé le moteur, embraya. La puissante voiture décrivit un véritable bond en avant et fila vers la route d'Aix. Piébald courut vers un des taxis arrêtés sur la place et s'y engouffra, après avoir crié au chauffeur. 89 rue Colbert et vite, 10 francs de pourboire. Oh yes, my lord, fit le chauffeur, tout heureux de l'aubaine. Le taxi fila. Affalé sur le capitonnage, Piébald consulta sa montre. Pourvu que Golias soit chez lui, murmura-t-il, sinon tout est perdu. Mais qui aurait pu croire cela? Ah, ce n'est pas avec Argoulian que j'aurais dû me mettre, c'est avec Autodrôle. J'ai parié sur le mauvais cheval. Mais la course n'est pas terminée.